31. Les vocations. Dans un beau jardin, où les rayons d'un soleil automnal semblaient s'attarder à plaisir, sous un ciel déjà verdâtre, où des nuages d'or flottaient comme des continents en voyage, quatre beaux enfants, quatre garçons, las de jouer sans doute, causaient entre eux. L'un disait « Hier, on m'a amené au théâtre. Des palais grands et tristes, au fond desquels on voit la mer et le ciel, des hommes et des femmes, sérieux et tristes aussi, mais bien plus beaux et bien mieux habillés que ceux que nous voyons partout, parlent avec une voix chantante. Ils se menacent, ils supplient, ils se désolent, et ils appuient souvent leurs mains sur un poignard enfoncé dans leur ceinture. Ah, c'est bien beau. Les femmes sont bien plus belles et bien plus grandes que celles qui viennent nous voir à la maison. Et, quoiqu'avec leurs grands yeux creux et leurs joues enflammées, elles aient l'air terribles, on ne peut pas s'empêcher de les aimer. On a peur. On a envie de pleurer, et cependant, l'on est content. Et puis, ce qui est plus singulier, cela donne envie d'être habillé de même, de dire et de faire les mêmes choses, et de parler avec la même voix. » L'un des quatre enfants, qui depuis quelques secondes n'écoutait plus le discours de son camarade et observait, avec une fixité étonnante, je ne sais quel point du ciel, dit tout à coup « Regardez, regardez là-bas. Le, voyez-vous ? Il est assis. » Sur ce petit nuage isolé, ce petit nuage couleur de feu qui marche doucement. Lui aussi, on dirait qu'il nous regarde. Mais qui donc ? Demandèrent les autres.